quatrième et dernier temps de notre série consacrée aux restitutions. Aujourd'hui, une restitution réussie, c'est le documentaire du jeudi de la Fabrique de l'Histoire. Après avoir, depuis lundi, beaucoup insisté sur les difficultés, sur les travers des restitutions d'œuvres d'art ou encore de restes humains, c'était hier dans l'émission du mercredi, eh bien aujourd'hui nous allons vous parler d'une restitution qui s'est bien passée. Ça se passe en Islande, entre le Danemark et l'Islande, colonisée pendant près de 7 siècles par la Norvège et par le Danemark. L'Islande, au moment de son indépendance, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a en effet demandé la restitution de manuscrits de sagas, des sagas qui font évidemment partie de l'histoire islandaise, mais aussi de toute l'histoire du monde germano-scandinave, du nord de l'Europe. Eh bien, ça s'est bien passé entre les deux pays, entre le Danemark et l'Islande, et c'est ce que raconte le documentaire de ce matin, signé Anaïs Quien et Séverine Cassard, jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, les sagas d'Islande, histoire d'une restitution post-coloniale réussie. Handritamálið, l'affaire des manuscrits. That is what this case was always called. C'est ainsi qu'on a toujours appelé cette affaire. Oh yeah, there is one more. Ah oui, il y a une autre expression. Handwritten home means. Ça veut dire. The manuscript's home. La patrie des manuscrits. That was what the headline was always in Iceland. C'est ainsi qu'on en parlait en Islande. Always a en faisant référence au retour des manuscrits dans leur patrie d'origine. Home. And the home was. Et leur patrie, Iceland. C'était bien évidemment l'Islande. L'Islande était leur seule patrie possible. Handwritten home. Les sagas d'Islande, histoire d'une restitution post-coloniale réussie. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Séverine Cassard. Quand on parle de l'Islande du Moyen-Âge, on parle toujours de saga. Mais en fin de compte, ça ne veut rien dire. Saga, qui est apparenté au mot allemand sagen, ça veut simplement dire ce qui est raconté. N'importe quoi qui est raconté. Il faut dire aussi que ces sagas sont absolument ancrées dans le paysage. On peut situer avec précision les fermes qui existent toujours. J'étais un jour dans la vallée de Seilingstalle et je faisais une longue promenade le soir. J'ai monté sur une petite monticule pour regarder l'endroit où Kjartan a été tué. Et alors, dans ce célèbre épisode de la saga de Njál le Brûlé, Gunnar a été condamné à exil. Il s'en va. Il va de chez lui jusqu'à la côte où il y a un bateau. Et quand il est au mi-chemin, son cheval trébuche, il saute à terre et il regarde derrière lui et trouve que le paysage est tellement beau qu'il ne veut pas partir. Et il retourne chez lui et finit par être tué. Mais ça, j'ai allé là, j'ai planté sur l'endroit précis où il se retournait pour voir exactement ce qu'il a pu voir. Parce que grâce au texte, vous savez exactement retrouver le lieu. Peut-être pas quelques centaines de mètres près, mais je savais, oui, je savais très très bien ce que Gunnar a pu voir. At the time, for a certain generation, à l'époque, pour les Islandais d'une certaine génération, les manuscrits étaient vraiment considérés comme des témoins du passé. Ils témoignaient d'un temps glorieux où l'Islande était assez riche, assez éduquée et assez savante pour produire de tels objets. Et il n'y a jamais vraiment eu de vestige du passé en Islande. Si les manuscrits islandais n'avaient pas été conservés, d'abord par des collectionneurs islandais pendant tout le Moyen-Âge et surtout par des collectionneurs islandais qui travaillaient pour le compte des grandes bibliothèques royales de Suède et du Danemark, eh bien, l'identité islandaise serait toute différente, ou on peut même se demander si elle existerait, parce que ces manuscrits ont préservé notre langue, mais surtout, ces manuscrits ont préservé notre histoire et puis ont rendu notre histoire ou nous ont convaincus de l'intérêt que notre histoire pouvait avoir pour les autres. Au départ, l'Islande était une île sans hommes, battue par les vents, hérissée de glaciers et peuplée de macareux. L'histoire humaine de cette île ne commence qu'au IXe siècle, avec l'installation modeste de moines irlandais et de quelques vikings expulsés du royaume de Norvège. Dépourvue de monuments, l'Islande n'a qu'un seul trésor, les sagas. Ces histoires des mondes scandinaves et vikings, rédigées et compulsées par des auteurs anonymes islandais, témoins du monde germano-scandinave qui peuple aujourd'hui largement notre imaginaire médiéval. Ces textes héroïques et légendaires racontent l'histoire de l'invention d'une société insulaire et du monde dans lequel elle voit le jour, celui des Islandais avant l'Islande. Les sagas islandaises contiennent la mémoire de toute la civilisation viking. Colonisée pendant près de 7 siècles par la Norvège et le Danemark, l'Islande déclare son indépendance à la faveur de l'occupation nazie de sa métropole danoise en 1944. Les manuscrits des sagas font immédiatement l'objet d'une demande de restitution à laquelle les autorités danoises opposent les arguments bien connus aujourd'hui dans ce type de conflit post-colonial en soulignant l'incompétence de l'Islande pour leur conservation et leur mise en valeur. Les sagas retrouveront leur terre natale après 30 ans de négociations. Alors nous sommes à Reykjavik, sur le campus de l'université et dans le bâtiment où il y a le département d'islandais et d'histoire et puis l'institut Árni Magnússon qui est l'institut qui a plusieurs fonctions mais dont l'une est de préserver les anciens manuscrits du Moyen-Âge qui sont à la base de notre culture. Torfi Tulinius. Nous sommes devant une énorme photographie de, je sais pas, 1 mètre sur 1 mètre 50 d'un manuscrit qui date de la fin du XIIIe siècle et qui a été miraculeusement préservé quelque part en Islande, on ne sait pas où. Au XVIIe siècle, un évêque islandais l'a recueilli et l'a envoyé pour être préservé dans la bibliothèque royale de Copenhague. En 1971, lorsque l'Islande était indépendante depuis 27 ans à peu près, les Danois ont fait ce geste formidable de nous restituer une bonne partie des manuscrits qui étaient préservés au Danemark. Et en 1971, donc, un navire de guerre danois est arrivé à accoster sur le port de Reykjavik et il y avait 2 manuscrits à bord, un grand navire de guerre pour ces 2 manuscrits. Et ce manuscrit-là, ce que vous voyez est 1 mètre sur 1 mètre 50 à peu près, mais en fait, le manuscrit fait, je sais pas, peut-être 15 centimètres sur 30. Et donc, c'est un tout petit manuscrit, mal écrit, mal préservé. Vous voyez à la photo, sur la photo que le parchemin est terne, marron. On voit qu'il a été préservé dans des maisons vétustes, sans chauffage, etc. Si vous trouvez des manuscrits du même âge à la Bibliothèque de France, à la Bibliothèque nationale, vous verrez qu'ils sont beaucoup mieux préservés que celui-ci. Mais ce manuscrit est extrêmement précieux parce que c'est la plus grande collection de poésie éddique qui existe et beaucoup de poèmes, 20 poèmes que contient ce manuscrit n'existent que dans ce manuscrit ou dans des copies qui ont été faites de ce manuscrit au XVIIe siècle. C'est donc une part importante, pas seulement de l'héritage culturel islandais, mais de l'héritage culturel de tous les pays nordiques et même germaniques qui est préservé dans ce manuscrit-là et qui réside dans un coffre-fort au sous-sol de ce bâtiment. Sigrun Davidsdottir, journaliste de la radio publique islandaise et auteur d'un mémoire sur l'histoire politique de la restitution des manuscrits islandais. The manuscripts would have been written in farms at the time. Les manuscrits ont été écrits dans des fermes qui étaient possédées par de riches propriétaires terriens. Ils ont aussi été écrits et conservés dans des églises et des monastères. Mais ils étaient dispersés. Et ce qui est intéressant à propos de l'Islande, c'est qu'en dépit d'une profonde, d'une abjecte pauvreté, les gens savaient lire. Cette capacité à lire et dans une moindre mesure à écrire a toujours été répandue. Alors que dans la majeure partie de l'Europe, les fermiers étaient incapables de lire, ce n'était pas le cas en Islande. Alors oui, ces manuscrits étaient dispersés un peu partout dans le pays, mais les gens pouvaient les lire. Donc ces livres avaient de la valeur réellement en tant que beaux objets ? mais aussi en tant que matière à lire. C'était aussi un divertissement. Yes, the manuscripts were like, you know, any books. Yes, they were read. Oui, les manuscrits étaient aussi des objets de divertissement. Comme n'importe quel livre, oui, tout à fait. Quand ils ont été rassemblés, on pouvait bien voir que beaucoup d'entre eux étaient en mauvais état. Alors que dans les monastères européens, on s'occupait des manuscrits comme s'il s'agissait de véritables trésors, c'était des objets d'usage en Islande. Donc vous n'avez pas de beaux volumes bien blancs comme des parchemins, mais des objets noircis avec des pages arrachées, tombés en morceaux. Et puis il y eut bien évidemment une nouvelle technique, l'imprimerie, qui rendit ces livres obsolètes. Les gens à l'époque préféraient lire des livres imprimés, bien reliés, qui ne tombaient pas en morceaux. Donc il y a eu dans une certaine mesure un intérêt déclinant pour les manuscrits. C'est pourquoi ces collectionneurs d'objets anciens qui venaient du Danemark ou de Suède ont pu les récupérer, parce qu'ils devenaient obsolètes en Islande. Le paysan Jón de Visidalstunga a fait écrire le livre des rois de Norvège à deux prêtres, Jón Zosarsson et Magnus Zoralsson. On ne sait rien d'autre que leur nom, mais on considère qu'ils étaient cultivés et versés dans l'art de la calligraphie. Le travail est soigné, l'écriture ferme et de bel aspect. Les majuscules sont volontiers enluminées et ornées de gravures représentant des personnes ou des animaux, des roses ou d'autres fleurs. Peut-être est-ce grâce à cette ornementation que le livre de Flatès est si bien conservé. Dès l'origine, son apparence et sa facture l'ont fait considérer comme un trésor. Les lecteurs ont feuilleté ce parchemin avec précaution et attention. Il n'y avait aucun risque que le livre soit utilisé pour en faire des semelles de chaussures ou des pièces de vêtements, comme ce fut le sort d'autres manuscrits qui n'étaient pas aussi bien décorés. L'énigme de Flatès. Victor Arnar Ingolfsson. C'était au XVIIe siècle que le monde érudit à l'étranger commençait à avoir un écho du fait qu'en Islande a conservé une quantité de manuscrits. Les premiers à les collectionner, c'était des Suédois. Einar Marionsson. Et c'était des sagas des temps anciens qui les intéressaient, parce que là, il y en a qui se passent en Suède. Ce n'est pas uniquement Norvège, ça se passe un peu partout. Et alors donc, ils s'y intéressaient, ils ont acheté des manuscrits qui sont amenés à Stockholm, où ils sont, je pense qu'ils sont là encore, mais ce sont des manuscrits intéressants. Ils sont aussi ils sont achetés en Islande et ils les ont imprimés aussi. Alors les Danois commencent à dire l'Islande nous appartient, c'est pas possible de laisser faire ces affreux Suédois, parce que là c'était vraiment des Suédois affreux, parce qu'il y avait des guerres sans arrêt entre Danois et Suédois, où les Danois étaient toujours les perdants. Alors ils ont envoyé des émissaires du roi pour prendre tous les manuscrits qu'ils pouvaient avoir. Ce n'étaient pas des savants qui étaient, c'était simplement des émissaires, des fonctionnaires, et qui prenaient tout ce qu'ils trouvaient. Et ils ont mis ça dans un bateau, et le bateau a disparu en mer. Et c'est un peu plus tard que Arne Magnusson s'est mis à collectionner les manuscrits. Et alors, contrairement aux Danois, lui était un savant qui savait très bien quelle était la valeur des manuscrits. Et il savait aussi que les manuscrits sur parchemin, qui avaient l'air très moches, étaient toujours les plus valables, les plus importants. Et alors, il a collectionné les manuscrits, et c'était, il avait des scribes, et quand il avait un manuscrit important, il faisait toujours copier. Et donc ça, c'est la collection d'Arne Magnusson, qui est divisée entre Copenhague et Reykjavik. They were collected in the 16th and 17th century. Ils ont été récupérés au XVIe et au XVIIe siècle, à une époque où non seulement le Danemark, mais aussi la Suède voulaient, disons, établir leur propre histoire. Il y avait aussi certains collectionneurs, certains universitaires à l'époque, qui étaient tout à fait au courant de cette source immense de richesses, de matériaux historiques en Islande. Il y avait par exemple un professeur islandais, Arne Magnusson, qui était venu au Danemark pour étudier, et qui s'était ensuite spécialisé dans l'étude des objets anciens. Il était bien évidemment au courant pour les manuscrits. et il en a pris avec lui. Le roi de Suède avait aussi un peu plus tôt envoyé des gens en Islande pour récupérer ces manuscrits. Donc il y avait, on pourrait dire, une sorte de course aux manuscrits, en particulier entre le Danemark et la Suède. C'est ainsi que les manuscrits se sont retrouvés au Danemark et certains en Suède, comme je l'ai dit. Mais en Islande, on n'avait pas vraiment conscience de l'importance de tout cela, de l'importance de ces collections. Il y avait très peu de gens à l'époque qui comprenaient ce qui se jouait et l'importance que tout cela avait. Donc ces collectionneurs n'ont rencontré aucune résistance. Les gens étaient même heureux de donner ces objets. Dans la plupart des cas, les manuscrits n'étaient pas vraiment achetés, ils étaient juste pris. C'est pour ça qu'ils ont fini au Danemark. Il n'y avait pas d'université en Islande, et il n'y a d'ailleurs pas eu d'université avant 1911. Donc il n'y avait aucun moyen de les conserver. Il faut bien comprendre que l'Islande était à l'époque un pays d'une pauvreté inimaginable. Il n'y avait donc pas d'institution capable de préserver ces objets ou de manifester le moindre intérêt pour eux. Quand j'étais au lycée, à l'époque, on lisait d'abord Saga de Hrafnkell, qui est très courte. Et il n'y a pas de strophe, pas de poème dedans. Donc, c'est très facile à lire. Mais c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Ensuite, il y avait la Saga d'Egill. Alors là, à mon époque, c'est la Saga d'Egill qui plaisait le plus, aux garçons en tout cas. Parce que Egill se comporte toute sa vie comme un adolescent à problème. Il est poète, il est guerrier, bagarreur, extrêmement fort, et puis il est un peu ivre sur le bord aussi. Ça lui arrive de faire des horribles scandales en état d'ivresse. Ça se lit très très bien. Klingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hlá, líst upp gamla götu sló, þar glæðleg lína stóð. Klingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hlá, leit á lás er var á leið, til ínu hans er beið. Unnendum er máninn kærum, þeir kæra ljóma slá, lás á byðils buxum var, brátt frá línu fær hans var. Klingló, à sa mort en 1730, le collectionneur Arni Magnusson lègue sa collection de manuscrits à l'université de Copenhague. La majorité des sagas islandaises appartiennent désormais à la couronne du Danemark, jusqu'à la demande de leur restitution. It really starts in 1944. Ça a vraiment commencé en 1944. Sigrun Davidsdottir. Iceland had at that time founded. C'est à cette date que la République d'Islande a été déclarée. Iceland was under Denmark. En 1918, alors que l'Islande était sous domination danoise, le Danemark avait reconnu la souveraineté islandaise et un accord avait été signé entre les deux pays selon lequel chacun des deux pays pourrait, au bout de 25 ans, décider de se séparer de l'autre. Au Danemark, on pensait peut-être que l'Islande ne demanderait jamais son indépendance. Mais quand le moment est arrivé, après ces 25 années, en 1943, la guerre avait éclaté en Europe. Le Danemark n'était pas un pays libre, et donc l'Islande a décidé de partir. Parce que le Danemark était occupé. Et en Islande, on pensait que ce n'était pas très sûr pour le pays. Le Danemark n'était pas en mesure de négocier de toute façon. Par ailleurs, parce qu'il y avait cet accord de 1918, les Islandais avaient le sentiment qu'ils étaient tout à fait en droit de partir, de quitter ce qu'on pourrait appeler un Commonwealth. Les Danois ont été extrêmement contrariés. Ils considéraient que les Islandais les traitaient de manière extrêmement injuste, puisqu'ils n'étaient pas vraiment en mesure de négocier à ce moment-là. Ils ont vraiment eu l'impression d'être à terre, d'être incapables, en quelque sorte, de se défendre. C'est vrai qu'ils ne pouvaient pas négocier. L'Islande a décidé d'attendre un an, puis la République a été déclarée et fondée en juin 1944. Dès cette année-là, on a déposé au Parlement islandais une résolution, Althing, à propos du retour des manuscrits. Donc le retour des manuscrits était d'ores et déjà une priorité dans leur tête. En 1945, En 1945 a eu lieu la première rencontre politique entre l'Islande et le Danemark. Et dès cette rencontre, les Islandais ont fait savoir qu'ils souhaitaient fortement récupérer leurs manuscrits. L'Islande était désormais une république, c'était un pays indépendant, et elle voulait, sans l'ombre d'une hésitation, remettre la main sur ses biens culturels. Si on regarde la manière dont l'histoire de l'Islande a été écrite, on s'aperçoit que c'est une histoire qui a été créée à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle par des historiens, des éducateurs. Guðmundur Hálfdanarson, historien à l'université de Reykjavik. Et l'histoire qui est racontée, c'est que l'Islande aurait connu un âge d'or dans le passé, que l'Islande était alors un grand pays avec de grands écrivains, que le pays était indépendant, que la nation était libre et que tout allait bien. Et puis, en 1262, l'intégration de l'Islande à la Norvège aurait marqué le début d'un long déclin. Et progressivement, voyez-vous, tout serait allé de mal en pis, jusqu'au XVIIIe siècle, où on aurait touché le fond avec la famine et Dieu sait quoi. Au XIXe siècle, le siècle des nationalismes, les bâtisseurs de la nation ont travaillé à partir de son histoire passée. Donc l'Islande, en quelque sorte, a avancé vers le futur en effectuant un retour sur le passé. Donc, en 1944, nous devenons une république. La naissance de cette république a été célébrée dans un endroit appelé Þingvellir, non loin de Reykjavik, et qu'on pourrait qualifier de lieu de mémoire pour l'Islande. C'est là que l'ancienne assemblée se trouvait du Xe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Cet endroit est perçu comme une espèce de centre historique pour l'Islande. Et parmi les discours qui ont été prononcés, il y a eu celui du président du Parlement qui a dit: désormais, nous refondons, nous rétablissons l'ancienne république. Donc, en un sens, il a forgé l'idée selon laquelle nous étions en train de restaurer la république vieille de 800 ans en Islande. C'était bien évidemment une reconstruction totalement imaginaire. Il n'y avait pas de république en Islande en 1262. Et c'était ainsi qu'on s'imaginait l'histoire. This is Reykjavik, capital of Iceland, where the Vikings landed in the 9th century, to be followed in the 20th century by the United States Marines. But at the time, Iceland was occupied by the United States. Mais à l'époque, l'Islande était occupée par les États-Unis. Enfin, je dis occupée, au sens où elle avait signé un accord de défense en 1941. Et bien sûr, l'Islande n'avait d'autre choix que de signer cet accord. Les États-Unis n'étaient pas encore entrés en guerre quand ils sont arrivés en Islande. Pendant la guerre, voyez-vous, au plus fort de la guerre, nous avions environ 50 000 soldats en Islande. Et l'Islande comptait environ 120 000 habitants à l'époque, ce qui a entraîné un énorme boom économique. Ce sont ces relations avec les États-Unis qui ont permis à l'Islande de devenir une république. Donc on voit bien l'ironie dans le fait de mettre en valeur la relation au passé, de dire que l'on restaure une république vieille de 800 ans, alors qu'en réalité, cette république est rendue possible grâce à l'arrivée massive de soldats étrangers, à l'argent qu'ils ont injecté dans l'économie, aux emplois qu'ils ont contribué à créer et aux liens qu'ils ont permis de nouer avec les États-Unis après la guerre. Donc il y a, comme dans tant d'autres cas, une espèce de fossé entre l'imaginaire et la réalité, l'idée qu'on avait affaire à la restauration d'une grande nation culturelle. Cette idée était importante et elle l'est toujours aujourd'hui. Le peuple, oui. Existe-t-il dans les sagas? Ah oui, oui, oui, oui, il y a des personnages de toute classe, puisque ça se passe dans la réalité, bien sûr. On voit des gens de toute espèce dans les sagas. Einar Marjónsson. C'est-à-dire que, apparemment, les fermes étaient grandes à l'époque. Il y a beaucoup de serviteurs et d'autres gens qui travaillaient. Par exemple, dans la saga de Njál, on voit des femmes vagabondes qui colportent des potins. Il y a dans la saga de Njál, dans la dernière partie où c'est très tragique, un épisode où le personnage principal tombe sur un vantard, un terrible vantard. Et alors c'est très drôle parce que ça c'est une sorte de comique relief dans l'épisode, les tragiques. Et là c'est quelqu'un qui, il est probablement d'origine d'esclave. Lui il porte le nom d'un homme libre, mais il y a des ancêtres qui portaient des noms plutôt d'esclaves. Alors donc ça pourrait être un descendant d'esclaves irlandais. Mais il est devenu libre et il, en fin de compte, il veut se mettre en valeur, montrer qu'il est un homme comme les autres. C'est très très comique, c'est très amusant. L'argumentaire des Islandais consistait à dire que les manuscrits étaient islandais, mais qu'ils étaient à Copenhague en raison de la domination danoise. Alors que l'argumentaire des Danois consistait à dire qu'il fallait examiner les usages internationaux en matière d'objets muséaux. La tradition disait que les objets étaient là où ils étaient, et en l'occurrence, ils étaient entre les mains de la puissance coloniale. Ils ont aussi fait remarquer que les manuscrits parlaient de l'histoire nordique et pas seulement islandaise, et que troisièmement, les Danois avaient gardé et conservé les manuscrits. Ils se considéraient comme les grands sauveurs de ces manuscrits. Ils disaient, vous savez, si on ne les avait pas récupérés, ils auraient disparu. Comme je l'ai dit, ils étaient tombés hors d'usage en Islande, et donc, sans les Danois, ils auraient tout simplement disparu. Pourquoi cet intérêt en Islande pour les manuscrits? Eh bien, n'importe quelle personne qui s'est déjà rendue en Islande sait que, bien que l'Islande ait une histoire certes pas très ancienne, mais qui remonte quand même, disons, au 8e ou au 9e siècle, on ne la voit pas. On n'a pas de bâtiments anciens. On n'a pas de grandes, d'imposantes cathédrales médiévales ou de monastères. On n'a rien de tout cela. Donc l'histoire islandaise est vraiment imperceptible, à l'exception de ces manuscrits. Il y avait aussi des objets qui avaient été conservés dans des musées danois et qui avaient ensuite été rendus à l'Islande. Donc il y avait un certain précédent. Les Danois avaient déjà rendu des objets. Ça remontait à 1930 environ. Ça, bien sûr, c'était aussi un élément assez important. Les Islandais pouvaient dire, eh bien, vous voyez, nous avons des objets que vous nous avez déjà rendus. Maintenant, nous voulons tous les autres, y compris les manuscrits. À l'inverse, l'attitude des Danois consistait à dire, bon, vous nous avez quittés. Non seulement vous nous avez quittés, mais vous nous avez claqué la porte au nez. Et maintenant, vous la rouvrez en disant, ah oui, au fait, on a oublié quelque chose. Peut-être, je vais vous montrer l'autre manuscrit qui a été amené. Torfi Tullinius. Donc, c'est le deuxième manuscrit arrivé en 1971. Voilà, c'est ça. Alors, voici, là, nous sommes devant deux pleines pages, enfin, des reproductions de deux pleines pages, et puis d'une miniature de Flateyjarbók, le livre de Flatey. Flatey est une île située dans un des fjords à l'ouest de l'Islande, où a été préservé ce grand codex. Alors là, c'est un livre très beau, très élaboré, avec de belles enluminures, et qui probablement a été fait par un important seigneur islandais au XIVe siècle, et probablement il avait pour intention de le donner comme cadeau au nouveau souverain norvégien. Et le thème de ce manuscrit, c'est un recueil de tout ce que les Islandais, enfin, d'une bonne partie de ce que les auteurs de sagas islandaises des 12e, 13e et jusqu'au 14e siècle avaient composé sur l'histoire du monde nordique. Et là, ce manuscrit de Flateyjarbók forme une histoire. Alors, bien sûr, ce n'est pas une histoire aux normes de l'historiographie d'aujourd'hui, c'est une histoire médiévale, mais qui, il y a un effort de construire l'histoire de tout le monde nordique, en particulier norvégien. Alors, les pages que vous voyez, c'est une page avec une enluminure qui décrit la mort du roi Saint Olaf, Olaf Haraldsson, celui qui a converti la Norvège au christianisme et qui est mort en martyr. Là, c'est en l'enluminure que nous voyons, ou cette lettrine plutôt que nous voyons, dépeint sa mort. Il a été tué par un ensemble de seigneurs norvégiens avec une hache. Vous voyez comment son bras est coupé, détaché du corps par une hache d'un de ses ennemis. Mais très vite, comme c'était un roi convertisseur, il a été canonisé et c'est le grand saint du monde nordique de l'Atlantique Nord. Cette lettrine ici, c'est le début d'une autre saga qui commence avec cette belle lettre I, énorme lettre qui fait, dans le manuscrit, fait une dizaine de centimètres. Et sur le I, vous voyez, il y a six personnages de chaque côté du I en train de se trucider gaiement avec des grandes épées, des épieux, des haches. Et cette saga est une saga extrêmement intéressante parce qu'elle est écrite du vivant de son protagoniste principal, le roi Sverrir. Sverrir fit de grands rêves et certains les prirent pour vanité et s'en moquèrent. Il raconta un rêve où il lui semblait qu'il était en Norvège et qu'il y devenait un oiseau si grand que son bec touchait l'extrémité de la terre à l'est et les plumes de sa queue parvenaient au nord jusqu'au campement des Sames. Mais de ses ailes, il recouvrait le pays entier. Il fit le récit de ce rêve à un homme sage nommé Einar et lui demanda ce qu'il pensait en être le sens. Einar répondit que cela lui était caché, mais il lui semblait probable que ce rêve annonçait sa puissance future. Et il ajouta « Il est possible que tu deviennes archevêque ». Sverrir répondit « Je doute que je devienne archevêque, car je n'ai pas les bonnes dispositions pour être prêtre ». Sverrir avait 24 hivers quand il apprit qui était son véritable père. Sverrir est un roi qui a un parcours absolument incroyable. C'est un prêtre des îles Féroé. Il arrive en Norvège alors que c'est la guerre civile en Norvège. Il y a une crise dynastique. Des soi-disant fils de roi prétendaient au royaume, mais lui est arrivé avec son histoire en disant « Voilà, moi aussi, je suis un fils naturel du défunt roi qui est mort il y a 30 ans. » Mais il est arrivé dans un contexte politique où on l'a cru et il est arrivé avec quelques hommes seulement à soumettre toute la Norvège. Et puis il a embauché un abbé islandais pour écrire sa saga. Et c'est une saga fascinante qui décrit comment un homme convainc les autres par sa verve, par ses qualités de dirigeant. Alors c'est une saga avec il y a les discours, il y a la vie de Sverrir lui-même, puis il y a des descriptions de batailles absolument passionnantes, justement pour comprendre comment on se battait sur les bateaux vikings. Les sagas sont écrites dans une langue très simple. Il y a visiblement un parti pris d'utiliser les mots de tous les jours et des phrases simples. Il y a aussi une autre règle que les auteurs de sagas s'imposent visiblement. Ils ne savent que ce qui est manifeste et public. Et ils ne savent pas ce que les gens pensent. C'est à lecteur de le déduire. Donc il n'y a pas de psychologie dans les sagas. Si, il y a beaucoup de psychologie, mais qui se manifeste comme ça, indirectement. Il faut le lire. Souvent lire entre les lignes. Par exemple, on sait que Egil a été amoureux de Ástgerður. Mais c'est son frère qui l'épouse. Mais ce n'est pas dit. Quand le mariage a lieu, il tombe malade. Il ne peut pas aller au mariage. Il boit trop, il fait des scandales, tout ça. Mais en réalité, on sait que c'est un dépit amoureux. Mais c'est nulle part dit. Absolument rien. Nulle part. Il finit par l'épouser après la mort de son frère. Mais tout ça, c'est sous-jacent. Et même saga de Gisle, il y a un énigme policier, mais qui n'est jamais résolu. On ne sait pas qui a tué Vésteyn. On ne le sait jamais. Ces manuscrits ont préservé notre langue et nous ont convaincus de l'intérêt que notre histoire pouvait avoir pour les autres. Et que nous étions un peu les gardiens de la mémoire du Moyen-Âge nordique, mais aussi que nous avions produit quelque chose. c'est pas seulement une transcription de quelque chose qui existait avant, c'est aussi la production de récits, de poésie qui sont importants pour la culture mondiale. Et je crois que si les Islandais ne s'étaient pas convaincus de cela, et grâce justement à l'intérêt que des chercheurs dès le XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe et au début du XXe siècle, ont porté à cet héritage nordique conservé dans les manuscrits islandais, ben sans cela, je ne pense pas que les Islandais auraient eu le courage ou même l'idée de vouloir devenir indépendants. Ces manuscrits sont les garants de notre identité. There was a Danish politician called Hans Heltoft, who was a social democrat. Il y avait un homme politique danois qui s'appelait Hans Heltoft et qui était un social-démocrate. Sigrun David Dottir. He became a prime minister. Il fut premier ministre du Danemark de 1947 à 1950 et à nouveau de 1953 à 1955. Il est mort prématurément en 1955. Il avait élaboré toute une pensée autour de la coopération nordique, qui était très importante à ses yeux. Dans son esprit, il y avait l'idée que l'Europe se devait d'être unie après la guerre, et que ce seraient les pays nordiques qui montreraient le chemin à suivre aux autres pays, qui leur donneraient le bon exemple en matière de coopération. Et donc, l'idée de rendre les manuscrits était liée à son idée de coopération nordique. C'est quelque chose de très important, je crois, pour comprendre ce qui l'a poussé, lui et les autres, à faire quelque chose pour les Islandais. Il y avait aussi un autre parti, Venstre. Ça signifie la gauche, mais c'est en réalité à droite de l'échiquier politique. Et encore un autre petit parti, Radikale Venstre, un parti plutôt centriste et libéral. Pendant l'hiver 1953-1954, Heltoft s'est évertué à trouver une solution. Il a discuté en interne avec d'autres responsables politiques, pas vraiment avec les Islandais, mais il les tenait informés des discussions. Et puis, au printemps 1954, il y a eu une fuite dans un journal danois, Politiken, racontant qu'une solution était sur le point d'être trouvée et que cette solution reposait sur le principe d'une propriété partagée au nom de laquelle les manuscrits appartiendraient à la fois aux Islandais et aux Danois. Ça a provoqué un immense tollé en Islande. Les Islandais étaient furieux. La rumeur n'était pas entièrement vraie, mais ça n'a rien changé. Et de nombreux responsables politiques qui avaient entrepris des discussions avec les Danois leur ont dit « Si c'est sur cela que vous travaillez, alors il est hors de question que nous continuions à discuter avec vous. » Cela a forcé les Danois à envisager une autre solution. Et les Islandais avaient fait savoir de manière très claire que ce n'était pas, de leur point de vue, une affaire danoise. Les manuscrits étaient tous islandais, donc il n'était pas question d'avoir une discussion à ce sujet. C'était des biens islandais et ils devaient retourner en Islande. On parlait la même langue en Islande et Norvège, bien entendu, à cette époque-là. Et d'ailleurs, dans tous les pays scandinaves, il n'y avait pas de distinction de langue encore. Et alors, beaucoup d'Islandais se mettaient au service des rois de Norvège. Les Islandais, à cette époque-là, ne s'occupaient absolument pas de finances, mais s'occupaient de poésie. Et à partir de la christianisation, les rois, qui avaient toujours les poètes de cour, avaient des poètes islandais. Et ça devient une spécialité islandaise. Mais bizarrement, c'est possible que ce soit dû au fait que les rois chrétiens qui christianisent la Norvège ne supportaient pas ce paganisme. C'est peut-être qu'ils ont étouffé ça. Mais en Islande, la christianisation s'est faite différemment. Il n'y avait pas d'autorité politique, un roi derrière qui forçait les gens à devenir chrétiens comme en Norvège. La christianisation de l'Islande en l'an 1000 était un fruit de décisions politiques, de pure realpolitik. Parce que tous les pays autour étaient devenus chrétiens. Donc même dans la première loi sur la christianisation, les païens étaient bien traités. Ça veut dire qu'au début, le paganisme n'était pas interdit. il était autorisé, mais à condition que ce ne soit pas public. C'est-à-dire qu'on pouvait encore sacrifier aux dieux, mais il fallait que ça demeure privé. Dans ces situations-là, la poésie ancienne s'est conservée. Les gens continuent à les apprendre. Parce qu'il fallait avoir une bonne connaissance du paganisme, de la mythologie païenne, pour pouvoir devenir un bon poète. Et d'ailleurs, ces poètes-là, revenus en Islande, auteurs de ces vies de roi, biographies de roi, finissaient par se rendre compte que ces poèmes étaient devenus un document historique de premier ordre. C'est à nous que ce manuscrit appartient. À nous, Islandais. Nous le récupérerons, ce n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce qu'il a de si important, ce livre du roi ? Plein de choses. Il a une valeur symbolique pour nous, en tant que nation. Il contient la religion et la philosophie pluriséculaire des pays scandinaves. Mais le livre en lui-même est une œuvre d'art unique en son genre. Un trésor artistique d'une valeur inestimable. Il est sans égal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte de l'importance qu'il a réellement. On n'en a jamais beaucoup parlé, et pourtant, on dit que c'est la seule œuvre d'art qui mérite d'être volée. Le livre du roi, Arnaldur Indridason. Non, ça a été très long, et il a fallu convaincre les Danois. Ils n'étaient pas du tout faciles à convaincre. Moi, je me souviens pas, c'était avant ma naissance. Mon père, jeune bachelier, a fait un voyage comme ça avec son ami à Copenhague, et il a demandé à voir les manuscrits à la bibliothèque royale, et on lui a refusé parce qu'il était juste un genou, quoi. Et là, le conservateur des manuscrits de l'époque, qui était un Islandais, a monté l'affaire en épingle, justement. On a écrit là-dessus dans les journaux islandais comment un jeune Islandais qui vient à Copenhague ne peut pas voir les manuscrits produits par son pays. Now, as I say, Hedtoft died in 54. Comme je l'ai dit, Hedtoft meurt en 1954. Mais il y avait cet autre responsable politique en fin de carrière, Jørgen Jørgensen, qui venait de Radikale Venstre. Quand il est devenu ministre de l'Éducation en 1960, il a clairement fait savoir qu'il resterait à ce poste pour une année seulement, une sorte de fin de carrière. Et ce qu'il voulait faire, c'était résoudre cette affaire, résoudre la querelle des manuscrits avec les Islandais. Alors, Jørgen Jørgensen a appelé un professeur de droit très renommé, Alf Ross, qui était une grande figure à l'époque. Il lui a présenté le problème et lui a dit « Il faut que tu nous trouves une solution ». Quelque chose qui nous permette d'esquisser une proposition et de faire voter une loi au Parlement. Alors Alf Ross a examiné le problème. Il a passé en revue les idées qui avaient déjà été proposées et il a compris que la propriété partagée était totalement impossible. Il a compris qu'aucun partage ne serait acceptable aux yeux des Islandais. Mais d'un autre côté, les Danois n'allaient pas tout rendre. Une majorité de ce qu'ils possédaient, oui, mais pas tout. Donc la solution qu'il a trouvée a été de définir ce qu'on entend par « bien culturel islandais ». Qu'est-ce qui constitue vraiment l'héritage culturel islandais ? Et sa définition fut des manuscrits écrits en islandais sur l'Islande. C'était assez précis à ses yeux pour fournir une base de travail. Et c'était en effet une approche très intelligente. Mais le problème qui se manifesta, c'est qu'avec cette définition, un grand nombre de manuscrits étaient laissés de côté. Des manuscrits de romans de chevalerie française ou de romans médiévaux français, par exemple, et bien d'autres encore. Mais surtout, cette définition excluait les deux véritables trésors que les Islandais voulaient à tout prix récupérer, à savoir le livre de Flatey, un recueil de sagas sur les rois norvégiens, et le Codex Regius, le livre du roi, qui comprend l'Edda poétique, un recueil de poèmes scandinaves aux origines manifestement allemandes. Et c'était très douloureux pour les Islandais. Ils ont clairement fait savoir à plusieurs reprises que toute solution qui excluait ces deux livres était inenvisageable à leurs yeux et aux yeux de n'importe quel responsable politique islandais. Donc la définition de Ross finit par être la suivante. Tous les livres écrits en islandais sur l'Islande, avec en plus le livre de Flatey et le Codex Regius. Là reposait tout le génie de cette solution. Elle fut discutée au Parlement danois, il y eut de longs débats au Parlement, et la loi fut finalement votée en 1961, après qu'un accord fut trouvé avec des responsables politiques islandais de premier plan, des ministres islandais acharnés. Comme ils savaient très bien que la définition choisie n'incluait pas tous les manuscrits, qu'il y en avait et qui étaient laissés de côté, jusqu'à la toute dernière minute, ils voulaient... Enfin, ils se sont acharnés pour trouver une solution. Mais ils ont quand même fini par accepter la proposition. Et je crois qu'ils devaient se dire, dans un coin de leur tête, qu'on pourrait revenir là-dessus plus tard. Ce qui n'a jamais été fait. Mais quoi qu'il en soit, cette solution a réglé l'affaire. When the Icelandic government had agreed to this settlement in 1961, quand le gouvernement islandais a consenti à cet accord en 1961, cette affaire est devenue un grand sujet de dispute au Danemark. Les universitaires, les conservateurs de musées étaient furieux. La colère était très grande et les débats sans fin. Les universitaires ont manifesté dans la rue et certaines universités ont essayé de poursuivre le gouvernement en justice. Donc il y avait aussi le problème de ces procès à résoudre. Et ils étaient continus pendant toute la décennie qui a suivi l'année 1961. La loi a finalement été votée en 1965 au Danemark. Cette loi a ensuite été attaquée en justice. Elle a été contestée devant la justice et au printemps 1971, la Cour suprême danoise a décidé que la loi était constitutionnelle. Cela voulait dire que les deux principaux trésors, le livre de Flatey et le Codex Regius, pouvaient être rendus à l'Islande. Ils ont voyagé jusqu'en Islande sur un navire de guerre et les boîtes qui contenaient les manuscrits ont touché le sol islandais le 21 avril 1971. Des milliers de gens étaient réunis sur le port et j'étais l'une d'entre eux. J'étais adolescente à cette époque et je n'avais pas d'intérêt particulier à être présente. Mais il y avait une Allemande dans ma famille et elle était extrêmement inflexible sur la question et très très fière de cela. Alors elle m'a dit, tu dois venir, tu sais, tous on doit y aller. Et donc j'y suis allée. J'étais au port et j'ai vu le navire de guerre et tout le reste. Et ensuite, plus tard dans la journée, il y a eu une cérémonie durant laquelle le ministre danois a rendu les manuscrits en main propre au ministre de la Culture islandais. Le livre de Flatey et le Codex Regius avaient officiellement élu domicile en Islande. Les écoliers étaient... Il n'y avait pas classe, on amenait les classes sur le port de Reykjavik et il y avait la populace, c'était là pour les accueillir et puis c'était le grand... La grande cérémonie ici dans le cinéma de l'université de l'autre côté et l'institut venait d'ouvrir et était là et donc pour accueillir ce manuscrit. Tout cela a été filmé bien entendu et ça fait partie de notre mémoire maintenant, je ne sais pas, visuelle. C'est une nouvelle page dans la mémoire islandaise, le retour des manuscrits. Aujourd'hui, ces manuscrits islandais ne sont toujours pas la propriété des Islandais. Strictly speaking, no. À proprement parler, non. La propriété islandaise n'a jamais été reconnue. Ils sont déposés à l'université, c'est le cadre juridique. Et jusqu'à présent, ça n'a dérangé personne. Ou alors, ceux que ça dérangeait ont laissé le problème là où il se trouvait. Aucune autre action n'a été entreprise, et ce, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas une restitution complète, c'est-à-dire la collection, Árni Magnússon, a été partagée en deux. Et d'ailleurs, maintenant, elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui, elle appartient collectivement au Danemark et à l'Islande. Et bon, ça fait partie de cette période des Trente Glorieuses où les gens étaient quand même assez raisonnables et en tout cas entre pays européens. Et quand j'étais jeune chercheur, je faisais des séjours de recherche à l'Institut de Arne Magnusson de Copenhague. Et très souvent, il y avait des visites d'Égyptiens, de Grecs, de gens qui voulaient justement savoir comment on avait réussi à convaincre les autorités danoises à restituer le patrimoine de leurs anciennes colonies. Le British Museum a beaucoup d'œuvres grecques, le Louvre aussi, que les Grecs aimeraient bien avoir chez eux, etc., etc. Et c'est extrêmement rare, c'est un geste très généreux de la part des Danois. Il a fallu les convaincre aussi qu'on avait aussi bien des bâtiments et des équipes de recherche qui puissent travailler sur eux. Et donc, la première génération ici à l'Institut Arne Magnusson avait tous été formés à Copenhague. Et voilà, maintenant, on en est à la troisième génération. Plus personne maintenant n'est formé à Copenhague. Et c'est une belle histoire, ces manuscrits. Þar með henni grátur hvít og lúr Nú berst frá rauðu húsi læðast refa hjón Og lafir bróð kjafti lerki skóurinn Hann fær nú margt að vita þegar Merci à Sigrun David Dottir, Guðmundur Haldanarsson, Einar Marjonsson et Torfi Tulinius. Merci également à Patrick Guelpa, traducteur de l'énigme de Flatey, de Victor Arnar Ingolfsson et du Livre du Roi, d'Arneldur Indridason. Lecture, Hélène Losseur, Olivier Jankovic et Christophe Hardy. Prise de son, Yves Lehors, Kevin Boisseau et Jean-Michel Bernot. Mixage, Stéphane Desmon. Les sagas d'Islande, histoire d'une restitution postcoloniale réussie, un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Séverine Kassar. Un grand merci à Ilana Eloi pour la traduction de l'islandais dans ce documentaire d'Anaïs Quien et de Séverine Kassar. Si vous voulez le réécouter, ce documentaire, ainsi que toute notre série consacrée à l'histoire des restitutions, avant de savoir ce qu'il y a dans le rapport qui sera remis demain au président de la République, rapport signé Bénédicte Savoie et Phil Winsart, qui étaient nos invités lundi, n'hésitez pas donc à aller sur le site de France Culture, franceculture.fr, également à nous suivre sur le réseau Twitter, Fabrique FC, ou encore dans le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire, les amis de la Fabrique de l'Histoire. À demain.